Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la crise linguistique de Saint-Léonard. Depuis 9 heures ce soir, la police règne sur Saint-Léonard comme dans une ville assiégée. Des centaines de policiers en tenue de combat ont maîtrisé et dispersé une foule de plusieurs milliers de manifestants. Ils ont continué ensuite d'occuper la ville, d'imposer à tous l'ordre et la paix. Le bilan de l'opération, quelques blessés, plusieurs arrestations, de nombreux actes de vandalisme et des dégâts matériels sans doute élevés. Le soir du 10 septembre 1969, une manifestation tourne à l'émeute dans le quartier montréalais de Saint-Léonard. Des francophones et des italo-montréalais s'affrontent sur la question de la langue d'enseignement à l'école pour les néo-québécois. Une nouvelle directive de la commission scolaire oblige les italo-montréalais de Saint-Léonard à faire instruire leurs enfants en français, ce qui provoque leur colère et conduit à cette émeute du 10 septembre. C'est à ce moment-là que s'est déroulé le premier incident. C'est-à-dire qu'il y a une bouteille qui a éclaté en plein centre de la rue. On ne sait pas de quel côté elle parvenait, elle venait, cette bouteille-là. Et un policier a lancé une grenade à gaz lacrymogène. La première. Ça a été la première. C'était 8h32. On a répliqué immédiatement avec un premier cocktail Molotov. Oui, et un deuxième cocktail Molotov qui ont explosé dans la rue. On les voit, tiens, en ce moment. Enfin, rappelons que les Italiens, quand même, qui étaient, je ne sais pas en combien... Quel nombre ils étaient, environ 300 à 400. Semblait avoir le dessus au départ, du moins, les premières charges. Oui, là, le gros choc s'est produit dans le quartier italien qui se trouve juste avant d'arriver à l'école Jérôme Leroyer. Les Italiens avaient mis des chaînes, des barricades, deux chaînes en travers de la rue Jean Talon. Et lorsque la tête de la manifestation est arrivée et a renversé ces chaînes, là, les Italiens qui étaient armés ont attaqué. Ils ont attaqué les premiers, d'ailleurs. Mm-hmm. Et le gros affrontement de cette soirée, ça a été d'ailleurs entre Canadiens français et néo-Canadiens pour la majorité italiens. Et les policiers se contentaient de lancer quelques grenades lacrymogènes, mais pas tellement plus à ce moment-là. Bernard de Rome et Claude-Jean de Viru au téléjournal du 10 septembre 1969 pour comprendre ce qui va conduire à l'émeute du 10 septembre 1969, pour nous expliquer aussi les tenants et les aboutissants de ce qu'on va appeler la crise linguistique de Saint-Léonard. Je reçois l'historienne Julie Noël, qui est chercheuse au Centre d'histoire de Montréal. Julie Noël, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, cet épisode-là, Julie Noël, de la crise linguistique de Saint-Léonard dans l'histoire récente du Québec? Bien, comme on l'a entendu en introduction avec cet extrait sur l'émeute, c'est évidemment un moment de grande crispation, de grande tension, où va s'exprimer des positions très, très campées des camps, des acteurs qui vont être en jeu. Elle oppose d'ailleurs les groupes favorables au libre choix de la langue d'enseignement contre ceux qui prônent l'unilinguisme francophone obligatoire au Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, bien sûr, les anglophones, mais aussi beaucoup les minorités ethniques et les Italo-Montréalais qui vont prendre beaucoup de place dans ce conflit. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de la bataille. Ceux qui disent « laissez-nous continuer de choisir librement » parce que c'était ça, à ce moment-là, la situation. On peut choisir d'envoyer ses enfants à l'école française ou anglaise. Il y a ce camp-là. Et ceux qui, dans ce mouvement d'affirmation nationale, c'est les années 60, c'est la montée du nationalisme, disent « non, ça suffit, ça ne sera plus possible. Vous devez, les néo-québécois, vous devez envoyer vos enfants à l'école française. » Tout à fait, exactement. Ceux qui sont pro l'unilinguisme à l'école, donc qui vont demander des mesures coercitives de l'État. Là. Donc, on est avec ce mouvement néo-nationaliste en pleine expansion. Et puis, elle s'inscrit, donc, cette crise de Saint-Léonard dans cette tension séculaire entre anglophones et francophones. Hein. C'est une tension historique qu'on n'a pas besoin d'élaborer davantage ici, qu'on connaît bien. Mais les néo-nationalistes vont faire de la langue d'enseignement leur cheval de bataille, mais de la langue en général, pour l'affirmation nationale. Donc, ça va devenir très, très important et très émotif, comme on l'a vu. Et c'est important aussi parce que c'est... D'abord, la question de fond, c'est de savoir dans quelle langue doit-on inscrire les nouveaux arrivants. Hein, ça, c'est vraiment c'est ça l'enjeu. Démographiquement, il y a un vrai enjeu pour le Québec français. Et ce sera, cette crise-là, ce qui va déboucher sur... Les premières, puis il y en aura toute une série, puis on va en parler dans cette émission, mais les premières lois linguistiques au Québec. Tout à fait. Donc, ça va être les premières mesures, ça va être la première fois dans l'histoire du Québec où on va intervenir sur cet aspect de la société, c'est-à-dire la langue. Et donc, c'est très important et va mener, comme on le sait, à l'adoption de la loi 101 qui fait toujours autorité aujourd'hui. Oui. Alors, pour comprendre ce qui se passe en 1969, il faut d'abord expliquer, Julie Noël, comment fonctionne avant cette crise linguistique de Saint-Léonard le système scolaire au Québec. D'abord, il faut rappeler le rôle primordial de l'école dans l'intégration des minorités. Hein. On l'a toujours ciblé et elle sert souvent, elle sert toujours en fait de reproduction culturelle et sociale pour le groupe majoritaire. Mais là, ça pose un problème au Québec et surtout à Montréal, c'est qu'on a deux groupes qui historiquement se sont toujours, disons, affrontés pour savoir qui s'affirme le plus fort, soit les francophones et les anglophones. Et notre système scolaire s'est construit sur ce côté bipolaire un peu du Québec, avec un réseau anglophone protestant d'un côté et un réseau catholique francophone de l'autre. Parce qu'à l'époque, et ça c'est important de le rappeler, les commissions scolaires ne sont pas linguistiques au Québec, mm-hmm. elles sont confessionnelles. Il y a des commissions scolaires protestantes, surtout anglophones, fréquentées par des anglophones, et des commissions scolaires catholiques, surtout fréquentées par des francophones. Exactement, c'est la religion qui prime. Donc, dès le début du 20e siècle, il va y avoir, même à la fin du 19e siècle, il y a déjà une grande vague d'immigrants qui arrivent au Québec, dont des juifs de langue yiddish, là, donc ils sont ni francophones, ni anglophones, ni catholiques, ni protestants, où on les met. Ouais. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces immigrants-là? Et le réseau protestant va se montrer plus accueillant, va intégrer rapidement ces immigrants. Le cas des Italiens est un peu différent, comme c'est un de nos acteurs clés de la crise de Saint-Léonard. Ils sont catholiques, donc ils vont s'adresser à la commission scolaire catholique qui, comme on l'a dit, ce qui était le plus important, c'était la religion. Donc, ils vont leur dire, mais vous pouvez enseigner dans la langue que vous voulez, en autant que vous priez du bon bord. Pour ça, c'est important. Donc, la commission scolaire catholique de Montréal, à ce moment-là, accepte d'offrir de l'enseignement dans une langue qui n'est pas le français, l'anglais en l'occurrence, pour accommoder ces catholiques italiens qui veulent envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Et tout à fait, même plus qu'en anglais. Les Italiens ont été très créatifs à cette époque-là parce que c'était important pour cette première vague d'Italiens que leurs enfants apprennent l'italien et que leurs enfants apprennent les deux langues à Montréal, le français et l'anglais. Alors, il va y avoir un développement de réseaux d'écoles trilingues dans les paroisses. Et bien sûr, il y avait donc toute une liberté. Certaines paroisses choisissaient plutôt anglophones, certaines familles vont choisir le francophone ou de construire, de fonder ces écoles trilingues. À partir de septembre prochain, l'unilinguisme français sera en vigueur dans toutes les écoles de Saint-Léonard au niveau de la première année, puis progressivement d'année en année jusqu'à la septième. L'unilinguisme français a emporté une victoire éclatante dans l'élection scolaire de Saint-Léonard. Les candidats du mouvement d'intégration scolaire sont sortis vainqueurs dans chacun des deux districts dont les postes de commissaire étaient disputés. M. Jean Girard devient commissaire de district numéro 3, tandis que M. Raymond Langlois a été élu dans le district numéro 4. Si les Canadiens français se réjouissent en ce moment de leur victoire, les Néo-Canadiens de Saint-Léonard sont fort mécontents. Ils pourraient bien tenter de contester le résultat de l'élection, même si les choses anormales qui ont marqué le scrutin pourraient avoir défavorisé autant les uns que les autres. Ici Camille Chouinard à Saint-Léonard. C'est cette décision dont parle Camille Chouinard dans son reportage d'obliger donc les Néo-Canadiens de Saint-Léonard à faire éduquer leurs enfants en français qui va déboucher, Julie Noël, sur cette fameuse crise linguistique de Saint-Léonard. Comment on en arrive là? Bien, il faut en fait dire que cette inquiétude devant l'anglicisation des néo-canadiens, bien, des immigrants ou des minorités ethniques, commence dès les années 40 au sein de la commission scolaire catholique. Il y a un comité qui est fondé, qui est le comité des néo-canadiens, qui va se pencher sur la question. Il va constater qu'il y a 70 % des néo-canadiens qui vont choisir leur réseau anglophone. Là, on est en 1957. Ouais. Ils vont décider de faire certaines mesures. Ils vont mettre en place des classes de français de soir, de fin de semaine. Ils vont même vouloir établir un réseau d'écoles trilingues inspiré des écoles trilingues italiennes. Par exemple, on aurait pu trouver une école dans laquelle il y a des cours de portugais, d'italien, mais de français et d'anglais aussi. Ouais. Donc, ils vont vouloir établir certaines mesures pour remédier à la situation de cette anglicisation, mais ces mesures-là vont achopper parce que le réseau catholique anglophone veut pas perdre la majorité de sa clientèle, hein, mm-hmm. parce que ce sont les néo-canadiens la majorité de leur clientèle. Et comme on l'a dit précédemment, la commission scolaire catholique continue d'insister surtout sur l'importance de la religion. Donc, l'échec de ces projets-là va faire juste alimenter les préoccupations concernant l'anglicisation des néo-canadiens et elle s'exprime particulièrement à Saint-Léonard. parce que Saint-Léonard est une nouvelle banlieue, bien, est une banlieue, c'était un milieu rural peu de temps après, et avec cette forte immigration, et on va passer de 24 000 Italiens montréalais à Montréal à 100, à plus de 100 000 en 1970, et donc avec cette forte immigration italienne, à Saint-Léonard, on retrouve 40 % de la population qui est italienne et 55 % francophone, et donc au début des années 60, cette population italienne demande d'avoir des classes bilingues, ce qui est accordé par la CECM, mais là, il va y avoir une pression des résidents qui vont avoir peur que Saint-Léonard s'anglicise. Et donc, comme on l'a vu dans l'extrait, on va prendre la décision d'imposer des classes unilingues francophones. Oui. Parce que, à peu près au moment où la crise éclate, à la fin des années 60, puis vous me corrigerez, mais au fond, il y a à peu près, pour ce qui est de Saint-Léonard, par exemple, il y a à peu près seulement 10 % des élèves qui ne sont pas francophones, là, des élèves qui sont des néo-québécois, qui fréquentent l'école française. Dans le réseau catholique, bien sûr, parce que dans le réseau protestant, ils sont tous en anglais. Puis, il va y avoir donc une mobilisation des parents autour de cette nouvelle réglementation-là. En fait, ils deviennent un peu, ces Italo-Montréalais de Saint-Léonard, les champions du libre choix, là, de ceux qui vont insister pour pouvoir continuer d'instruire leurs enfants en anglais. Mais pourquoi tiennent-ils tant, les Italo-Montréalais, à envoyer leurs enfants à l'école anglaise? Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous préférez envoyer vos enfants à l'école anglaise plutôt qu'à l'école française? On n'a pas de préférence pour les Anglais, ni pour les Français. On a seulement pour les strictes milieux du travail. Les milieux du travail exigent la langue anglaise. Nous avons perdu la liberté de choisir. C'est ça que nous demandons comme citoyens canadiens. Combien de millions qu'il y a dans l'Amérique du Nord? Combien de millions d'habitants? 200. Alors, la majorité de la langue, là, qu'est-ce que c'est? L'anglais. Alors, on est content de rester ici, là. Mais quand on est venu ici, on dit, vous êtes content d'aller au Canada? On a répondu oui. On n'a pas dit aller du Québec ou à l'Ontario et tout ça faire là. Les Italiens font une alliance purement tactique avec les anglophones là-dedans parce qu'il y a beaucoup plus de conflits, en fait, ethniques entre Italiens et anglophones qu'entre Italiens et francophones. Et aucun Italien, moi, ne m'a jamais dit, ça fait 10 ans que je fréquente le milieu, aucun Italien ne m'a jamais dit qu'il était contre le fait que le Québec soit francophone. Mais ils sont pris dans une situation de ce qu'ils appellent de devoir choisir la lingua del pane, et la langue du pain. Et la langue du pain, qu'on le veuille ou non, mais la loi 22 n'a rien changé là-dessus. Non, là-dessus, ça ne touche pas ça. Alors, c'est pour ça que les Italiens sont... Enfin, les Italiens, les Ukrainiens, les Portugais, pas seulement les Italiens, d'ailleurs. Parce que c'est une loi inachevée. Mm-hmm. C'est une loi inachevée qui ne touche pas le problème fondamental de la langue de travail, qui n'est pas encore rentable. D'ailleurs, moi, je trouvais que commencer par l'école, c'était commencer par le mauvais bout du problème. Il aurait fallu commencer par les usines, par le travail, et là, automatiquement, les écoles se seraient francisées. Le poète et futur politicien Gérald Godin, l'émission Présent en 1975, Gérald Godin qui est journaliste au moment de cette entrevue et qui parle dans cet extrait de la loi 22 sur laquelle on va revenir un peu plus tard, loi qui sera adoptée par le gouvernement de Robert Bourassa. Juste avant, vous entendiez un Italo-Montréalais répondre aux questions de Claude-Jean de Virieux en septembre 1968. Pourquoi les Italiens tiennent-ils tant, Julie Noël, à ce que leurs enfants parlent anglais? D'abord, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur cette idée qu'on a vue avant, qu'ils ont toujours eu le choix. Hein. Ça va être un de leurs principaux arguments. Ça va être de dire, nous, on a un droit acquis. Si là, on est là depuis la fin du 19e siècle, vous nous avez toujours laissé le choix. On veut avoir le choix. Ça ne nous dérange pas que vous vouliez franciser les néo-canadiens, mais nous, on n'est pas des néo-canadiens. On est une communauté de longue date. Ouais. Donc, bien sûr, là, ensuite, il y a une nouvelle vague d'immigrants après la Deuxième Guerre mondiale qui quitte une Italie très pauvres, ruinés par la guerre, et ce sont beaucoup des ouvriers, des paysans qui arrivent ici pour des raisons économiques, pour améliorer leur sort. Le Canada leur ouvre grandes les portes, comme on l'entend dans l'extrait, le Canada est prospère, veut des ouvriers, et eux, ils s'en viennent au Canada travailler, être riches, au moins améliorer leurs conditions de vie. Et donc, pour eux, même si eux, ils travaillent dans des manufactures, ils ont du travail très mal payé, dans des conditions très difficiles, l'anglais demeure la langue du succès. Ouais. Ils le voient bien qu'à Montréal, la langue des financiers, la langue des patrons, c'est l'anglais. On est encore dans cette époque-là. Et ils le voient bien aussi qu'il y a beaucoup de Québécois francophones qui travaillent avec eux dans les manufactures. Et que les Québécois francophones, à l'époque, sont encore, à certains égards, des citoyens citoyens de deuxième classe. C'est ça qu'ils voient, ces Italiens qui arrivent à Montréal. Donc, ils veulent être dans du bon côté de la clôture, comme on dit. Exactement. Ouais. De vouloir angliciser leurs enfants, c'est cohérent avec leur choix d'immigration. Oui. Donc, la pression, quand même, elle est très grande parce qu'il y a cette résistance de ces Italo-Montréalais, mais il y a, on le disait un peu plus tôt au début de l'émission, il y a ce courant, c'est les années 60, c'est la montée du nationalisme au Québec. Donc, ça crée des flamèches. Tension très, très grande et ça va conduire à, avec cette directive à Saint-Léonard de ne plus permettre ce libre choix, mais d'obliger les Italo-Montréalais et les Néo-Canadiens à envoyer leurs enfants à l'école française. Ça va créer une série de manifestations avec un pic qui arrive le 10 septembre 69. On entendait des extraits de ça au début de l'émission. Cette manifestation qui tourne à l'émeute, qu'est-ce qui se passe ce jour-là exactement? En fait, il va y avoir deux organisations qui vont être créées lorsqu'il va y avoir deux organisations de parents lorsqu'il va y avoir l'interdiction. Bien, en fait, lorsqu'on va obliger les classes unilingues francophones, il va y avoir le mouvement pour l'intégration scolaire. Le mouvement pour l'intégration scolaire appuie la CECM, la Commission scolaire catholique, dans son choix d'imposer les classes unilingues francophones. Ce sont des parents qui se mobilisent, qui sont nécessairement très impliqués dans le mouvement néo-nationaliste. Et de l'autre côté, il va y avoir la Saint-Léonard English Catholic Association of Parents, qui va, elle, plutôt défendre la position du libre choix, oui, finalement. Donc, ce sont des parents qui se mobilisent d'un côté comme de l'autre pour défendre leur position. Et il va y avoir quelques altercations avant le 16 septembre, d'ailleurs, déjà dans les rues et dans les écoles. Et il va y avoir une interdiction de manifester à Saint-Léonard, étant donné cette tension-là. Oui. Palpable. Et le mouvement pour l'intégration scolaire, avec son leader Raymond Lemieux, va décider ce 10 septembre de braver l'interdiction et de sortir dans la rue. Et le camp adverse aussi va suivre pour aller les affronter. Et comme on l'a entendu en introduction d'émission, il va y avoir plusieurs milliers de manifestants, les commerces vont être attaqués et on va se lancer des choses, ça va être très violent. Et puis, il va y avoir la loi anti-émeute qui va être imposée. Il va y avoir 500 policiers dans les rues qui vont eux aussi utiliser matraques et autres stratégies pour neutraliser les manifestants. Alors, c'est évident que c'est un événement qui constitue le pic de violence, ouais, de la crise. Le gouvernement en place à ce moment-là, c'est le gouvernement de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand, qui voit bien que c'est vraiment très, très tendu à Montréal et à Saint-Léonard en particulier. Donc, ils essaient de trouver une solution en adoptant un projet de loi, le projet de loi 63, novembre 69. Ça ne sera pas un grand succès. Avant de nous parler de la réaction que va susciter le projet de loi, dites-nous, rappelez-nous d'abord, que prévoit cette loi-là, Julie Noël? Bien, en fait, la loi, elle est très simple, elle consacre le droit au libre choix. Donc, c'est certain que là, il va y avoir une réaction du camp néo-nationaliste qui va être très, très forte parce qu'ils vont être complètement insatisfaits et la pression va se faire de plus en plus grande. D'ailleurs, la Commission scolaire catholique va laisser couler des statistiques desquelles vous parliez un peu plus tôt, comme quoi les allophones choisissent à très forte majorité le réseau anglophone. Oui. Leur réseau anglophone. Donc, ils vont... ceci va juste accentuer la colère puis l'indignation du camp unilinguiste. J'aimerais quand même ajouter une petite nuance sur cette question-là. C'est que, comme on l'a dit précédemment, il y a plusieurs organisations qui vont se créer, dont la Fédération des associations italiennes du Québec, qui, par exemple, eux sont d'accord avec la francisation des néo-canadiens. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit plus tôt, eux, ce qu'ils réclament, c'est d'avoir le droit au libre choix au même titre que les communautés de souche, oui, de souche britannique, par exemple. Donc, il y a quand même une position nuancée aussi, ouais, sur cette question-là. Là. Mais comme la loi 63, en fait, le projet de loi 63 qui est adopté ne réussit pas à ramener l'harmonie linguistique au Québec, il y aura une nouvelle loi qui sera présentée par Robert Bourassa qui va donc succéder à l'Union nationale. La loi 22 qui, elle, est adoptée en 1974. Mais encore là, Julie Noël, ça va créer à peu près que de l'insatisfaction. Que prévoit cette fameuse loi 22? Donc, la loi 22, elle, va reconnaître le droit traditionnel des familles d'origine britannique au libre choix, mais elle va imposer un test de connaissances linguistiques à toute autre personne francophone ou allophone qui voudrait fréquenter le réseau anglophone. Donc là, ce test-là est ciblé comme une espèce de poudre aux yeux, là. D'un côté comme de l'autre, on est très, très, très insatisfait. Bien, pour les néo-nationalistes, on peut contourner, c'est pas assez coercitif. Et de l'autre côté, bien, on va trouver que c'est très contraignant, puis on comprend pas pourquoi on cible les allophones, là, pourquoi nous, on doit faire un test. Et l'idée de ce test-là, au fond, c'est de pas fermer complètement la porte. Quand un enfant, un néo-québécois, quand avec le test, on comprend qu'il est anglicisé, on se dit il est plus anglophone que francophone, donc il pourra fréquenter l'école en anglais. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. L'adoption du projet de loi 22 par le gouvernement Bourassa, vous le disiez, ça ne fait pas l'affaire de la grande majorité des Québécois. Et ça déplaît beaucoup aussi aux Italo-Montréalais de Saint-Léonard, ce qui fait que malgré cette loi-là, une forme de résistance qui va s'organiser, ça va se concrétiser comment, cette résistance-là? Effectivement, la communauté italienne va particulièrement se sentir visée par cette loi, bien sûr parce qu'elle est en cause depuis le début de la crise, et va former le Consiglio Educativo Italo-Canada C, qui est un organisme qui a pour premier objectif de résister à la francisation qu'il juge forcée en organisant des classes clandestines qui vont viser à former les élèves. Dans le fond, il va y avoir quelques 1500 élèves dans des sous-sols d'église chez des gens qui vont apprendre l'anglais pour être prêts pour le fameux test qui doit être mis en place au début de 1975. Et il y aura d'autres élèves qui vont bénéficier de la collaboration du réseau anglophone, des dirigeants et des enseignants qui vont se faufiler grâce à cette collaboration-là dans les classes. Donc, non seulement il va y avoir des classes clandestines, mais aussi de la collaboration des dirigeants du réseau anglophone pour laisser entrer cette population-là dans les écoles. Et ça montre que cette fameuse crise, au fond, qui commence à la fin des années 60, même avant 69, là, 67, 68, ça commence vraiment, cette crise-là, va s'échelonner jusqu'au tour des années 75 et que c'est probablement, au fond, l'élection du Parti québécois en 76 qui va faire qu'on tourne une page, en tout cas qu'on ouvre un nouveau chapitre sur le plan des droits linguistiques. Tout à fait, parce qu'en fait, devant cette insatisfaction généralisée de la loi 22, bien, le gouvernement Bourassa va perdre ses élections. Ça va avoir un impact direct sur la défaite. Le Parti québécois revient avec la promesse d'intervenir rapidement, ce qu'ils font en 1977 avec l'adoption de la Charte de la langue française, aussi connue sous le nom de loi 101. Et donc, cette loi, comme on la connaît, est en faveur des néo-nationalistes pro-unilinguisme. Seule la majorité anglo-québécoise va avoir le droit de fréquenter le réseau anglophone. Toutes les autres minorités vont devoir fréquenter le réseau francophone, ce qui veut dire que, par exemple, pour la commission scolaire protestante, elle va devoir ouvrir des classes francophones. Et du côté de la commission scolaire catholique, bien, les classes qui étaient très homogènes, hein, comme on l'a dit en début d'émission, vont devenir très multiethniques. Mais malgré cette loi, il va continuer à y avoir de la résistance. Donc, on pourrait étendre encore plus cette crise parce qu'il va y avoir des élèves qui vont demeurer, même s'ils sont illégaux, dans les écoles anglophones. Et c'est par les pressions, par les poursuites judiciaires, qu'il va y avoir un allègement de la charte en 1986 avec la loi 58 qui va régulariser le statut de ces enfants, de plus de 1000 écoliers qui fréquentaient encore illégalement le réseau anglophone. Julie Noël, historienne et chercheuse associée au Centre d'histoire de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.